Bon, 2018, nous y voilà. Bon, premier journal, je suis à Montlaure. Je viens de ramasser un petit papier qui traînait, emporté par le vent, que j'ai mis dans la poubelle. Et voilà, on a fait une superbe fête avec toi, nous. J'ai joué un peu le fatigué, mais dans l'ensemble, on a bien rigolé, on a bien mangé, et c'était bien cool. Bon, il y a un peu de vent là, je me demande si ça va impacter l'enregistrement. Je suis devant cette vieille voiture que j'ai toujours appréciée, enfin ce qu'il me reste. C'est-à-dire pas grand chose, un bon réservoir quoi. Non mais je me fais une promenade dans Montlaure. Hier ils sont allés à... Eh bien, je vais trouver. Hein. Rock Negad. Oh. Poulidette. Oh. Il y a un chien noir très très joli qui vient de m'aboyer. Quand tu t'approches un peu, il recule. Je me demande s'il faut quand même y mettre la main pour autant. C'est peut-être pas la peine. Bon, voilà. Balade dans Montlaure. Je déblatère. J'essaie de se faire sortir toutes mes pensées amères. Tiens, voilà un petit chat. Il s'enfuit quand je m'approche. Tous les animaux ont peur de moi. Pourtant, je sais garder les mains dans mes poches. Ici, bon, des tas de tuiles. Sûrement un toit qui a été rénové il n'y a pas longtemps. Je commence à trouver que je vous nourris d'informations débiles, mais ça devrait pas poser un problème parce que c'est moi le seul qui réécoute ces putains de bandes de merde. Non, c'est peut-être pas vrai dans l'absolu. J'essaie de faire évoluer Radio Caducie, d'en faire un truc qui rime un peu avec les envies des gens et que Brice puisse récupérer le flambeau et qu'on arrive à organiser des discussions vraiment mêlées où le poids de l'écoute a maille à partir avec le poids de la parole. Ouais, maille à partir, spéciale dédicace pour Toufi Kassem et son invité du 16 février 2015. J'ai nommé je sais plus, un universitaire sur le monde arabe et il raconte un peu pourquoi lire les philosophes arabes genre Avicenne, genre Al-Kindi, genre Al-Farabi, comme ça, des petits noms comme ça, des gars qui ont réfléchi quand on traduit la parole de Platon, qu'ont amené l'institution les traductions en général à être un point d'ancrage très important de la culture des sphères où la réflexion est présente et surtout quelques petites pensées qui, moi, me trottent dans la tête et sont fortes pour moi. Déjà, qui commerce d'une chose la vend, et qui vend une chose ne l'a plus. Donc, qui commerce de religion en particulier, parce que c'était le cas particulier, qui commerce de religion n'a plus de religion. Donc, ces hommes-là qui commercent de religion sont des gens sans religion. Ça, c'est une pensée qui nous vient, pour pas dire de conneries, de Avicenne, Al-Kindi ou Al-Farabi, voilà. Ou Averroès peut-être, on sait pas. Enfin, je sais pas. Et alors, qu'est-ce qu'on peut trouver encore d'autre comme superbe philosophe trop qui pète sa race? Non, on va rester sur les mêmes. L'autre truc qui m'a marqué en particulier et que j'aime à repenser, c'est Le philosophe doit aller jusque à la cité de la sagesse. Si il se retrouve dans une autre ville, en fait, il sera pas en accord avec la ville dans laquelle il vit. Et donc il faut qu'il change pour essayer de trouver la ville de la sagesse en partant de l'idée que dans un temps et un lieu donné, elle existe. C'est-à-dire on ne sait pas trop où, on ne sait pas trop quand, mais il y a moyen d'y aller. Peut-être dans le futur, peut-être il faut régresser vers un passé, mais en tout cas, la cité de la sagesse est accessible. Et je pense que l'histoire... et les histoires sont des bons moyens d'accéder à la sagesse et de trouver un chemin de vie cohérent. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis dans un réseau militant, résistant, squat. C'est-à-dire que, bah, par exemple, il y a des maisons avec des arbres magnifiques, avec une habitation un peu oubliée ou un peu foutue en l'air. Et c'est des bâtiments qui risquent d'être détruits pour fabriquer des immondes tours en béton ou qui font partie d'une bulle immobilière à la con qui fait qu'aujourd'hui, quand on est le peuple qui vit sur une terre, mais c'est un peu compliqué d'avoir sa place. Parce qu'il y a des gens qui ont la terre et qui entendent faire croire que le peuple des propriétaires, pour pas parler de l'État-nation, en son nom, au nom du peuple, les peuples, ils ont juste à baisser la culotte. Moi, c'est un truc qui me révolte depuis toujours. C'est ça, que dans la terminologie la plus simple de la définition des choses, on parle du peuple, du peuple, du peuple, alors que c'est une entité qui n'existe pas. Il n'y a pas un peuple, il y a des peuples. Ils ont une ontologie, non, une valeur intrinsèque de différence les uns avec les autres. C'est exactement cette différence qui induit la richesse culturelle. Comment l'ensemble des peuples peuvent être capables de dialoguer d'égal à égal et d'amener les lieux de la discussion pour créer un projet de vie commun et sans frontières. Voilà. Crevez tous, monde de chiens. Je vous aime. Ciao!